Penser à mon avenir et pas celle qui m'était chère. J'avoue que la misère est partout, comment l'esquiver? J'avoue qu'une cime n'a pas d'atour, elle faut pas me côtoyer. Elles m'ont violé mes sentiments, j'ai pas porté plainte. J'ai bravé beaucoup d'obstacles malgré toutes ces contraintes. Putain. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me to moonlight, always will burn me with the sun. J'ai comme l'impression que le monde démarche, je suis crève en fait. Je me lève tard après-midi car le sommeil m'empêche de souffrir. J'ai trop réfléchi, je veux plus penser, le doute me bousille. Le chaos mic ou antidépressif. Pourtant c'est naze, avant pour mon avenir j'avais quelques idées précises. Je me construis tout seul, fallait être solidaire. Mais tu connais le proverbe, trop bon, trop con, tant pis j'agis en solitaire. J'avoue que j'ai tendu la main, l'autre s'est relevé, puis me l'a coupé. Depuis je remets à demain, aujourd'hui j'aurais pu louper. Couché sous l'exomile ou Prozac, moi je veux pas finir comme As. Mes textes ne méritent pas d'Oscar, c'est juste ma vie connard. Je passe ma vie la nuit, tu sais, elles deviennent longues. Quand je repense à ce qui m'a fait du mal, à ce qui m'a fait de longuement. Ton fils t'aime, il fallait que je te le dise. Encore un triste thème, j'avais des rêves, il a fallu qu'il se brise. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, always will burn me with the sun. J'imaginerai jamais le futur, gros. Je suis bloqué sur le passé, toucher le zoom, mais c'est assez dur. Je me contentais d'y penser. J'avoue, j'ai confiance en personne, car de nos jours, beaucoup nous trahissent. La politique a ses raisons, c'est pas pour ça que je les regarde de travers. C'est pas chez moi, je crèverais d'une vaste secouille, j'ai très peu d'ennemis. De toute façon, la mort, je m'en bats les couilles depuis que mon dar est parti. J'avoue que j'ai vécu dans une ville ou dans la rue, y'a son père. H24 chez la CPE, poteau, janvier, les gangsters. Les CRS, pas comme un chien, oui, ça, je l'ai constaté. C'était pas pour moi, mais ma petite gueule, soi-disant mal éduquée. Comme une gamine qui se violait, je pleurais des larmes de souffrance. Mieux vaut avorter sans moment qu'avoir un fils qui balance. Pas vrai, j'entends que le savoir est une arme, mec, je suis loin d'être armé. Car si j'apprends qu'elle va mourir, je ferai tout pour l'éviter. J'avoue que nos chances sont mal vues par nos remèdes et les médias. S'ils comprendraient tout ce que je dis, je te jure, ils miseraient sur moi. Wind through my tree. She rides the night next to me.